Je me promène dans le parc. Je me promène dans le parc. Je me promène dans le parc. Je me promène dans le parc. Dans le parc, je me promène. Je me promène dans le parc. Dans le parc, je me promène. Je me promène dans le parc. Je me promène dans le parc. Je me promène dans le parc. Tout semble si calme. Je me promène dans le parc. Tout semble si calme. Je me promène dans le parc. Cela doit bien cacher quelque chose. Je me promène dans le parc. Cela doit bien cacher quelque chose. Cela doit bien cacher quelque chose. Je me promène dans le parc. Dans le parc, je me promène.